j'ai su m'achever de toutes mes conquêtes. Trop de peine. C'est sans doute facile de t'avouer que si toi je te garde, tu ne risques pas de me tuer. C'est pas que je ne t'aime pas, ni même tu ne me plais pas, mais nos sourires sont tranquilles et bleus. Pour une fois que j'ai envie de respecter quelqu'un, le prendre pour un ami. C'est pas que je ne t'aime pas, ni même que tu ne me plais pas, mais nos rires sont tranquilles et la vérité n'est pas banale. Combien de couples sont étrangers à la vérité? Thank you.